Chapitre deuxième. Le cheval n'étant plus tiré en avant s'arrêta, et le colonel, abandonnant la contre-allée, descendit sur la chaussée. « Mon oncle, comment c'est-vous ? » Ils se serrèrent les mains avec effusion. Mais une tête de jeune fille s'était montrée sous la toile. Puis, profitant de l'arrêt du cheval, cette jeune fille avait vivement sauté à bas. Mais avant qu'elle eût touché le sol, le colonel l'avait reçue dans ses bras. « Oh, ma chère Thérèse, dit-il, combien je suis heureux de vous revoir. Et moi donc, mon cousin ? » dit-elle en rougissant. Il la regarda alors un peu plus attentivement. Elle était vêtue d'une robe de toile usée jusqu'à la corde. Son teint était noirci par le hâle et le soleil. Ses cheveux étaient cendrés par la poussière. En tout, l'apparence de la misère, de la fatigue et de la souffrance. Pendant qu'il la regardait ainsi, son attention fut attirée par deux têtes d'enfants qui s'étaient levées dans la voiture. Près de ces têtes aux cheveux jaunes, ébouriffés, se montrait la face pâle d'une femme dont la ressemblance avec les deux enfants disait, sans qu'il fût besoin d'explication, qu'elle était leur mère. Mais cela importait peu au colonel pour le moment, et ce qui pour lui avait besoin d'être expliqué, c'était l'arrivée de son oncle Antoine et de sa cousine Thérèse en compagnie de ces gens et dans cet accoutrement. Mais la place n'était guère bonne pour des questions et des explications. Quoiqu'on eût autre chose à faire en cette journée troublée que de s'occuper de ses voisins ou des passants, la curiosité ne perd jamais ses droits. Il y avait des gens qui s'étaient arrêtés sur la contre-allée et qui regardaient avec étonnement cette voiture qui par elle-même était déjà un spectacle. N'était-il pas étrange en effet de voir un homme de mise et de tournure élégante comme le colonel en conversation intime avec ce paysan aux vêtements dépenaillés et tenant dans ses mains celle de cette jeune fille qui, pour être jolie, n'en était pas moins singulièrement attifée. « On nous regarde, » dit Antoine en baissant son chapeau sur ses yeux, « et cela est mauvais pour moi. Il pourrait se trouver des gens qui me reconnaîtraient parmi ces curieux. Si vous voulez marcher près de moi, nous allons nous remettre en route. » Il reprit le cheval par la bride. « Allons, pauvre vieux, encore un peu de courage. Te voilà arrivé. » Comme s'il avait compris ses paroles, le pauvre vieux fit un effort et la voiture recommença à rouler lentement. « En marchant, dit Antoine, on nous remarquera moins, bien qu'il soit peu naturel qu'un homme comme vous s'entretienne avec des misérables de notre espèce. « Voulez-vous que je vous quitte ? » demanda le colonel qui comprenait toute la justesse de cette observation. « Non, pas tout de suite. Je ne sais pas s'il y aurait en ce moment un agent de police qui oserait mettre la main sur un homme qui revient de l'étranger pour défendre son pari. Mais c'est possible. » Et le mieux est de ne pas risquer l'aventure. Voilà pourquoi je prends cette précaution. L'Empire est encore debout, n'est-ce pas ? Mais oui, dit le colonel en souriant. Il est donc sage de ne se fier à rien. Pourquoi êtes-vous rentré en France ? À cette heure, pouvais-je rester à l'étranger ? On m'a relâché juste à temps. Vous avez été emprisonné, en Allemagne, en France, partout les gouvernements sont les mêmes. Et vous, n'est-ce pas ? Vous avez été en Allemagne ce que vous étiez en France ? Mais sans doute, c'était pour poursuivre notre but que j'avais consenti à m'exiler. Vous avez souffert, mon oncle, qu'importe. Je ne regretterai pas ce que j'ai enduré, si mes souffrances avaient servi à quelque chose. Mais voilà la guerre déclarée entre les Allemands et les Français. De nous, je ne sais pas ce qu'il adviendra, mais pour l'Allemagne, il est bien sûr que la puissance militaire qu'elle vient d'acquérir étouffera la liberté pour longtemps. Ces paroles étaient un peu vagues pour la curiosité impatiente du colonel. « Et vous, ma cousine ? » dit-il en se tournant vers Thérèse qui marchait près de lui. « Oh, moi, je n'ai pas été emprisonnée. Elle a trouvé de braves cœurs qui l'ont aidée et qui, avec elle, ont travaillé à ma libération, » dit Antoine. « Comment ne m'avez-vous pas écrit ? » demanda le colonel. « Et vous, mon cousin, comment ne nous avez-vous pas donné de vos nouvelles ? » dit Thérèse. « Où vous aurais-je écrit ? » Je n'ai lu qu'une lettre de mon oncle et tellement pleine de réserves qu'il était impossible de deviner où vous étiez. Michel ne vous a rien dit ? Je n'ai pas revu Michel depuis le jour où il m'a communiqué cette lettre, ni Denisot ni Soriol. Quand je suis allé rue de Charonne, Denisot et Michel étaient arrêtés et Soriol avait disparu sans qu'on sût ce qu'il était devenu. J'ai fait des démarches pour voir Michel et Denisot, ils étaient au secret. « Voilà donc pourquoi vous ne nous avez pas écrit ? » dit Thérèse. Avez-vous pu penser, ma cousine, que c'était par négligence que je ne vous écrivais pas ? Non, par négligence. Par quoi alors ? Elle ne répondit pas, mais son père, en prenant la parole, empêcha le colonel de revenir sur sa question. Quand j'étais libre, dit-il, la guerre était déclarée, et naturellement je n'ai eu qu'une pensée, revenir à Paris. Mais cela n'était pas facile. Les chemins de fer étaient réservés pour les transports militaires, et puis nous n'avions que peu, que très peu d'argent. Nous nous sommes mis en route, et tantôt en voiture, tantôt pour une petite distance, en chemin de fer, le plus souvent à pied, nous avons repris le chemin de la France. Heureusement, Thérèse et moi, Thérèse mieux que moi, nous avions appris un peu d'allemand, et nous avons pu ainsi traverser presque toute l'Allemagne. Le colonel se tourna vers Thérèse. « Je sais marcher, » dit-elle en souriant à cette muette interrogation. Marcher n'était pas la grande affaire. C'était manger, c'était surtout coucher. Vous savez que l'Allemagne est le pays des hôtels et des auberges, mais pour ceux qui ont la poche garnie. Enfin, nous sommes arrivés à la frontière. C'est là que le danger devait commencer pour moi. Mon signalement avait sûrement été donné au commissaire de police comme au gendarme, et je ne voulais pas me faire arrêter. Il me semble qu'à Paris, le danger est plus grand encore. Oh, à Paris, c'est différent. Je n'ai pas l'intention de me cacher, je veux au contraire m'expliquer. La patrie est en danger, je viens pour la défendre. Si le gouvernement ne veut pas de mon bras, il me fera arrêter. J'aurai fait mon devoir. J'avais donc peur de la frontière. Mais hélas, il n'y a plus de frontière. Où commence la France, où finit-elle aujourd'hui, on ne le sait pas. Nous avons librement continué notre route en traversant les pays qui venaient d'être ravagés par la guerre. Ah, quel spectacle, mon cher Édouard ! Que de ruines, que de douleurs ! Un jour, nous avons rejoint sur la route cette voiture conduite par la femme que vous voyez là avec ses deux enfants. Son mari avait été fusillé par les Prussiens. Ses maisons avaient été brûlées. Alors, avec le cheval et la voiture qui lui restaient, elle avait quitté son pays pour venir se réfugier à Paris auprès de son frère qui habite la Villette, où il est marchand de fourrage. Nous avons associé nos misères. Elle a donné une place à Thérèse dans la voiture près d'elle, et moi j'ai conduit le cheval. Voilà comment nous avons fait la dernière partie de notre voyage. Parlant ainsi, ils allaient arriver à la barrière du trône, et pour aller à la Villette, la voiture devait passer par les anciens boulevards extérieurs. « Mon oncle, » dit le colonel, « voilà ce que vous allez faire. Rentrer chez vous serait imprudent. On ne vous laisserait pas vous expliquer comme vous le désirez. Et puis, qui trouveriez-vous ? Personne. Vous allez donc venir chez moi. Mais comme vous devez conduire cette pauvre femme à la Villette, ma cousine et moi, nous allons prendre les devants. Vous nous rejoindrez. Il vaut mieux que nous n'entrions pas à Paris ainsi groupés, car on nous regarde. « Mais mon cousin ?» interrompit Thérèse en faisant un geste pour refuser cet arrangement. « Voulez-vous donc exposer mon oncle à se faire arrêter ?» dit vivement le colonel. « Soyez certaine que s'il rentre rue de Charonne, c'est par là qu'on commencera. On ne croira pas qu'il vient pour défendre son pays. On croira qu'il revient pour aider à renverser le gouvernement. Il faut en ce moment agir avec prudence. Laissez-moi, je vous prie, vous diriger. Et vous, mon oncle, ne craignez pas de vous confier au conseil d'un homme mieux en état que vous, présentement, de juger la situation. Je m'en rapporte à vous, dit Antoine, puis, s'adressant à sa fille, va avec ton cousin, dans 2 ou 3 heures je vous rejoindrai. Thérèse embrassa les enfants, qui, voyant qu'elle les quittait, se mirent à pleurer. Puis, tandis que la voiture tournait à droite pour prendre le boulevard de Charonne, Thérèse et le colonel montèrent dans un fiacre.